Chapitre 34e, l'intérieur de Mr. Saul. Au moment de son départ de Londres, Harry Clavering ne se sentait pas bien, sans vouloir s'avouer qu'il fut malade. Mais il avait été si tourmenté de sa position, si honteux de lui-même, si incapable de trouver aucune issue à ses embarras, que la fatigue et le chagrin l'avaient miné. À son arrivée au presbytère, sa mère, inquiète, lui avait demandé s'il était souffrant. Elle ne parut pas rassurée par sa brusque dénégation. Elle soupçonnait bien qu'entre lui et Florence, les choses n'allaient pas comme elles auraient dû. Mais elle ne pensait pas le sonder à ce sujet. Ce n'est pas qu'elle ne prît grand intérêt aux affaires de cœur de son fils, mais pour le moment, celle de Fanny la préoccupait exclusivement. Depuis la visite à M. Saul, Fanny était devenue un véritable trouble-fête dans la maison. Le soir de la conversation avec sa mère et le matin suivant, elle s'était bravement comportée et Mrs. Clavering avait pu croire que le cœur de sa fille n'était pas bien sérieusement blessé. Fanny reconnaissait l'impossibilité de son mariage avec M. Saul et n'avait jamais appuyé sur la force de son attachement pour lui. Mais dès qu'elle sut que M. Saul avait été banni de la maison, elle affecta des airs de victime et fit la moue désespérée d'une personne en proie à une passion dévorante. Entre elle et son père, il ne fut plus dit un mot sur ce sujet. Devant sa mère, elle fut silencieuse, respectueuse, soumise, comme il était une fille en amour maltraitée par ses parents. Or, en cela, c'était Mrs. Clavering qui se sentait maltraitée par sa fille. « Mais vous ne supposez pas qu'elle prenne intérêt à lui ?» dit Harry à sa mère, le soir de son arrivée, quand ils se trouvèrent seuls. « Si fait, elle prend intérêt à lui. Et même, autant que je puis croire, un intérêt très vif. Quelle chose bizarre !» C'est bien le dernier homme du monde à qui j'aurais supposé un succès pareil. On ne peut jamais rien dire. Vous savez que c'est un très bon jeune homme. Mais suffit-il qu'un homme soit bon pour que les filles en deviennent amoureuses? Pourquoi pas? Cela est autre chose. Mais je ne vois pas qu'il y ait autre chose. Qu'il est fâcheux qu'on l'ait gardé ici après sa première folie. Il est trop tard pour y penser. Il est bien clair qu'elle ne peut l'épouser. Il n'aurait pas de quoi vivre. Il n'y a nulle apparence que jamais il obtienne un bénéfice. « Je ne comprends pas qu'un homme puisse commettre une si mauvaise action, » dit-il, oubliant un instant ses propres fautes. Pour faire de la morale, comment, avec une position comme la sienne, venir dans une maison telle que celle-ci, gagner souterrainement les affections d'une jeune fille, quand il sait bien qu'il ne peut être question de mariage entre elle et lui? C'est ce que j'appelle une mauvaise, une coupable action. C'est de la trahison, de la pire sorte. Et de la part d'un ecclésiastique, elle n'est que plus condamnable. Aussi je ne lui cacherai pas ma façon de penser. » À quoi servira-t-il de lui chercher querelle? Mais comment faire autrement puisque je dois le voir? Je ne voudrais pas que vous fussiez trop raide avec lui. Le point important est de lui faire comprendre qu'il doit partir le plus tôt possible et ne pas chercher à revoir Fanny. Vous voyez, votre père ne veut avoir aucune relation avec lui, même pour affaire de service, et cela fait scandale dans la paroisse. Ainsi dimanche, ils se rencontreront dans la sacristie et ne se parleront pas. Jugez quel terrible effet cela fera. À tout prix, il faut qu'il s'en aille. Et comment fera mon père sans son vicaire? Il fera tout au monde, pourvu que M. Saul parte. Il parle même de se charger de tout le service à lui tout seul. Il ne le pourrait pas. Il n'y a pas à y penser. Enfin, la première chose que je ferai demain sera de voir M. Saul. Le jour suivant était le mardi, et c'est à 10 heures que Harry comptait aller chez M. Saul. Auparavant, il eut une courte conversation avec son père, qui était encore plus monté que lui contre le pauvre délinquant. « Ceci m'apprendra, dit-il, qu'il n'y a pas d'homme pour qui une jeune fille ne puisse se prendre d'amour. J'ai bien entendu parler des folies des jeunes filles, mais je n'aurais jamais cru Fanny capable d'en faire une si grosse. Un homme, ou plutôt un vrai singe, car il n'est pas fait comme un homme, avec une figure en lame de couteau et une moitié de menton, grand Dieu !» C'est par sa conversation qu'il l'a séduite. Lui, un âne, incapable de dire deux mots. En cela, je crois que vous avez tort. Sur ma parole, je n'ai pu tirer un mot de lui, si ce n'est au sujet de la paroisse. C'est un être absolument insociable. Voyez, Edward Fielding, c'est un ministre tout aussi zélé que Saul, mais il a 1000 qualités qui manquent à mon vicaire. Saul est plus habile homme qu'Edward, mais son habileté est d'une autre sorte. C'est une habileté qui est tout à fait invisible pour moi. Mais qu'est-ce que cela fait à la question? Il n'a pas de sou. Quand j'étais vicaire, je ne songeais pas de telle folie. Monsieur Clavering n'avait été vicaire que pendant un an, et pendant ce temps-là, il s'était fiancé à sa femme, du consentement de tous ceux qui y étaient intéressés. « Mais alors, dit-il, les clergymen étaient des gentlemen. Je ne sais pas où l'Église en arrivera, vraiment, cela m'inquiète. » Après cette entrevue, Harry le quitta pour remplir sa mission. Quelle singulière comédie! Il allait arranger les affaires des autres quand les siennes étaient dans un pareil état. En se rendant à la vieille ferme où demeurait M. Saul, il pensait à tout cela et s'avouait à lui-même qu'il ne pourrait guère traiter sérieusement les affaires de sa sœur quand les siennes étaient dans un pareil désordre. Il faisait effort pour se pénétrer d'un sentiment d'indignation contre le pauvre vicaire. Mais au lieu de tout cela, se présentait à son esprit le tableau de sa propre situation. Voulait-il échapper à Lady Ongar, et en ce cas, comment s'y prendrait-il? Et s'il ne réussissait pas à lui échapper, comment oserait-il désormais se présenter la tête haute devant le monde? Il avait envoyé la veille un billet à M. Saul pour le prévenir de sa visite, et avait reçu en réponse quelques lignes de M. Saul qui promettait de se trouver chez lui. Jamais auparavant il n'était entré dans l'appartement de M. Saul, et quand il y pénétra, il sentit plus que jamais combien il était impertinent de la part de ce vicaire de demander sa sœur en mariage. Les Clavering avaient toujours été entourés d'un grand confort. Leurs appartements avaient des tapis de Bruxelles et de larges fauteuils. S'ils n'avaient ni des tentures en damas ni des porcelaines de Sèvres, ils avaient toujours possédé ce qui constitue le bien-être dans le monde clérical de première classe. Or, l'appartement de M. Saul n'offrait rien de semblable. Il avait une grande chambre à coucher avec une cheminée immense et une très petite grille. Un lambeau de tapis était étendu devant la grille, et sur ce tapis était une grande table de sapin. Dans aucun de ces vernis menteurs qu'aurait pu faire croire un meuble d'acajou. Un vieux fauteuil de bois, assez confortable en son genre, servait à M. Saul, et deux chaises de bois montaient la garde de chaque côté du foyer. Dans un coin de la pièce, on voyait le lit de M. Saul, et dans un autre coin, sa table de toilette. Debout contre le mur était une commode où il mettait ses vêtements. C'était là tout le mobilier de la pièce. Une des grandes fenêtres qui faisait face à la ferme avait été condamnée et dans la vaste embrasure était placée une partie de la bibliothèque de M. Saul, se composant des livres qu'il avait rapportés du collège, et sur le parquet, de chaque côté de cette fenêtre, étaient arrangés les autres livres en une pile exposée, je le crains bien, à toutes les attaques des rats. La grande table, placée devant le foyer, était couverte de livres et de papier, et hélas aussi de poussière, car il avait contracté cette habitude particulière au vieux garçon de laisser son ouvrage toujours inachevé, ses cahiers ouverts, ses livres mêlés avec ses manuscrits, chaos indescriptible d'où il semble que rien de bon ne puisse jamais sortir. C'est là que M. Saul composait ses sermons, étudiait sa Bible et poursuivait sans doute quelque étude favorite dont il avait le secret. Ce n'était pas là qu'il prenait ses repas. Sa côtelette ou sa tranche grillée ou sa friture de porc frais lui était servi sur une petite table de toilette où il faisait son frugal repas. Tel était l'intérieur du gentleman qui aspirait à la main de Miss Clavering. Pour ce logement, y compris le service, il payait 250 francs par an. Il lui restait donc 1500 francs pour se nourrir, se vêtir comme un gentleman, de voir qu'il négligeait bien un peu, et faire ses œuvres de charité. Harry Clavering, en jetant un regard autour de lui, rougissait presque pour sa sœur. Les murs étaient blanchis à la chaux et tachés dans plus d'un endroit, et le parquet de la pièce paraissait au milieu tout à fait vermoulu. Quel jeune homme ayant connu l'aisance souhaiterait une pareille résidence pour sa sœur? M. Saul, néanmoins, ne paraissait nullement rougir de sa misère et accueillit son visiteur avec un air plein de franchise. « Vous êtes venu de Londres hier, je suppose, dit-il. »« Précisément, répondit Harry. Asseyez-vous. » Et M. Saul lui montrait le fauteuil, mais Harry se contenta d'une chaise. « Je suppose que Mrs. Clavering va bien ?»« Tout à fait bien, » dit Harry d'un ton fort gai. « Et votre père et votre sœur ?»« Parfaitement bien, » reprit Harry d'un ton froid et d'un air raide. « Je serai allé vous trouver au presbytère, » dit M. Saul, « pour vous éviter de venir ici. Mais comme vous le savez sans doute, il s'est élevé une petite difficulté entre votre père et moi. » M. Saul parlait avec une aisance apparente et laissait Harry le soin de continuer la conversation. « Sans doute, vous savez ce qui m'amène ici, » dit Harry. « Pas précisément. En tout cas, je ne le sais pas assez pour ne pas désirer que vous vous expliquiez plus clairement. « Vous avez vu mon père pour lui demander la main de ma sœur. »« Oui, c'est vrai. »« Eh bien, vous devez savoir que c'est une chose tout à fait impossible, une chose à laquelle il ne faut plus penser. »« C'est ce que dit votre père. »« Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai été très peiné de l'entendre s'exprimer de cette façon-là. »« Mais mon cher ami, vous ne pouvez pas parler sérieusement, vous ne supposez pas qu'il puisse consentir un pareil engagement. Quant à ce dernier point, je ne saurais répondre. Mais pour ce qui est de parler sérieusement, je l'ai toujours fait et je parle encore sérieusement à présent. Alors, je suis obligé de vous dire que vous vous faites une bien fausse idée de ce que devrait être la conduite d'un gentleman. Attendez un moment, Clavering, dit Saul en se levant et tournant le dos à la grande cheminée. Ne vous pressez pas trop de dire des choses que vous regretteriez ensuite. Je ne pense pas que vous soyez venu ici pour me dire que je ne suis pas un gentleman. Je n'ai aucune envie de discuter avec vous. Mais il vous faut renoncer à ce projet. Tout est là. Renoncer à quoi? Si vous voulez dire que je dois renoncer à votre sœur, je n'en ferai absolument rien. Elle peut renoncer à moi, et si vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous feriez bien de vous adresser à elle. Quel droit pouvez-vous avoir, ne possédant pas un shilling au monde? Je n'aurai aucun droit de l'épouser dans une pareille condition, avec ou sans le consentement de votre père. C'est un projet que je n'ai jamais eu, et jamais je ne lui ai proposé à elle-même. Qu'est-ce que donc vous lui avez proposé? Monsieur Saul se tut un instant et regarda la poussière amassée sur la table, comme s'il eût dû lui en venir quelque inspiration. « Je vais vous dire ce que je me suis proposé, lui dit-il, autant que je pourrais trouver des mots pour le dire. Je me suis proposé de conserver dans mon cœur l'image d'une personne que je puisse aimer par-dessus tout au monde, d'espérer que moi, comme les autres, je pourrais me marier un jour avec celle que j'aime, de supporter, avec tout le courage dont je suis capable, un long délai peut-être, un complet insuccès dans cette affaire, et je compte aussi, mais c'est à peine si j'ose l'espérer, que ce que je ferai pour elle, elle le fera aussi pour moi. Maintenant, vous connaissez le fond de ma pensée, vous pouvez être sûr que je ne ferai jamais rien pour pousser votre sœur à la désobéissance. Il va sans dire qu'elle ne vous reverra plus. Je trouverai cela bien dur, après ce qui s'est passé entre nous. Mais bien certainement, je ne chercherai pas à voir avec elle des entrevues clandestines. Et dans ce cas-là, monsieur Saul, il va de soi que vous devez quitter la paroisse. C'est ce que dit votre père. La quitter tout de suite, veux-je dire. Il est impossible que vos rapports avec mon père continuent plus longtemps de cette manière. Qu'est-ce que votre père veut dire par tout de suite? Le plus tôt sera le mieux, dans 2 mois ou plus tard. Très bien, je m'en irai dans 2 mois. Je n'ai pas d'autre asile, ni d'autre moyen d'existence, mais si votre père le veut, je m'en irai dans 2 mois. Puisque je consens à cela, j'espère qu'on ne me refusera pas la faveur de voir votre sœur une dernière fois. Cela ne servirait de rien, monsieur Saul. À moi, cela ferait grand plaisir, et à elle aucun mal. Mon père n'y consentira pas, j'en suis sûr. Pourquoi y consentirait-il? Et ma sœur elle-même, à ce que je crois, n'y tiendrait pas davantage. L'a-t-elle dit? Non, pas à moi. Mais elle est tombée d'accord avec nous que toute idée de mariage entre elle et vous est tout à fait impraticable. Et je suis sûr qu'elle a trop de sens pour souhaiter une entrevue avec vous. Si je puis faire autre chose pour vous, j'en serai très heureux. » Monsieur Saul ne voyait pas ce que Harry pouvait faire pour lui, et celui-ci se retira. Le recteur, à qui il rendit compte de l'affaire, en parut satisfait. 1 mois de délai eût mieux valu que 2, mais enfin, Monsieur Saul ne pouvait guère s'en aller immédiatement, sans avoir eu le temps de chercher un abri ou reposer sa tête. « Sans doute, dit le recteur, il est bien entendu qu'il ne verra pas Fanny. » À cette question, Harry répondit en lui répétant les paroles de M. Saul et ajouta qu'à coup sûr, il tiendrait sa parole. « Vraiment ?» reprit le recteur. « Avoir une entrevue avec elle ? Je ne puis comprendre qu'un homme comme lui ait osé proposer une pareille chose. Est-ce qu'il a jamais pu compter sur le succès ?» Harry essaya de faire comprendre à son père quelles étaient les espérances de M. Saul, mais il n'y réussit pas. Lui, au moins, en était venu à sentir que le pauvre vicaire était digne de tous les respects. Ce fut Mrs. Clavering qui se chargea de raconter à Fanny ce qui s'était passé et ce qui devait avoir lieu. « Il doit s'en aller au bout de 2 mois, ma chère, lui dit-elle. « Très bien, maman. Et naturellement, vous ne devez pas vous revoir durant cet intervalle. Sans doute, si c'est votre avis et celui de papa. J'ai dit à votre père qu'il suffirait de vous dire cela, et qu'ensuite vous pourriez aller dans l'école tout comme d'habitude, si vous le voulez. Ni votre père ni moi ne mettrions en doute la sincérité de vos paroles. « Mais qu'est-ce que je puis faire s'il vient me trouver ?» dit Fanny d'une voix pleine de larmes. « Il a dit qu'il n'en ferait rien, et nous nous fions aussi à sa parole. Et je suis sûr que vous avez raison. Mais quoi qu'on puisse dire, M. Saul est un aussi parfait gentleman que s'il avait le plus riche bénéfice du diocèse. On ne l'a jamais vu manquer à sa parole ou faire quoi que ce fût de contraire à son devoir. » Fanny, en prononçant d'un ton assez chaleureux ce panégyrique, se mit à sangloter. Mrs. Clavering trouvait que sa fille montrait de l'entêtement et une mauvaise nature en parlant ainsi de son amoureux, après la manière dont elle avait été traitée. Mais il ne servait de rien de discuter sur les vertus de M. Saul et laissa tomber ce sujet. « Si vous m'en croyez, lui dit-elle, vous reprendrez vos occupations comme d'habitude. Vous recouvrerez bientôt aussi la tranquillité de l'esprit. » « Je n'ai pas besoin de recouvrer la tranquillité de mon esprit, » reprit Fanny, « mais si vous le voulez, je reprendrai mes occupations à l'école. » Il était évident que Fanny voulait jouer le rôle d'une fille dont le cœur est brisé et vouer un culte passionné à son amoureux absent. Sa mère trouvait cela d'autant plus étrange que Fanny n'avait rien laissé voir de cette tendresse avant la sentence prononcée par son père contre M. Saul. Fanny, en racontant son histoire, avait commencé par dire qu'un tel mariage était une impossibilité. Elle n'avait pas demandé la permission de répondre aux avances de M. Saul, ni donné à entendre qu'elle comptait sur cette permission. Maintenant qu'on avait fait ce qu'elle-même avait pour ainsi dire dicté, elle se mettait à prendre les airs d'une héroïne maltraitée dans un château solitaire au milieu des Apennins. C'était le vrai moyen pour qu'elle devînt sérieusement amoureuse de M. Saul. Sa mère, pensant à tout cela, se prit à regretter que le décret de bannissement eût été rendu. « Peut-être aurait-il mieux valu laisser M. Saul continuer sa besogne dans la paroisse et guérir Fanny de son caprice par le ridicule. Mais il était trop tard, et Mrs. Clavering ne parla plus de cette affaire à qui que ce fût. » Le lendemain de sa visite à M. Saul, Harry se trouva indisposé et trop malade pour pouvoir retourner à Londres. Le surlendemain, il était obligé de s'aliter. Ce fut alors que sa mère écrivit à Mrs. Burton et qu'il lui raconta une partie de ses chagrins. Il insista pour que la lettre fût rédigée de façon à persuader Mrs. Burton qu'il était trop malade pour se rendre à Londres, mais non sérieusement en danger. « J'ai promis, dit-il à sa mère, d'être demain à Hounslow Crescent, et il ne faut pas que Cécile s'imagine que je reste ici quand il me serait facile de m'en aller. » Sa mère cacheta la lettre, écrivit l'adresse et ensuite, d'un ton de voix qu'elle essayait de rendre indifférent, elle demanda si Florence était à Londres. Et en apprenant qu'elle y était, exprima son étonnement de ce qu'il n'écrivait pas à Florence. « C'est à Mrs. Burton que j'avais donné rendez-vous, » dit Harry. « J'aime à croire qu'il n'y a rien qui aille mal entre vous et Florence, » reprit sa mère. Harry fut quelque temps sans répondre, et sa mère hésitait à répéter la question. Au bout de quelques instants, ce fut lui qui revint et lui dit « Ma mère, les choses vont mal entre Florence et moi. » « Oh, Harry, qu'a-t-elle fait ? Vous devriez dire, qu'ai-je fait ? Quant à elle, elle s'est fixée un homme qui l'a trompée. »« Mon cher Harry, ne dites pas cela. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce vrai ce qu'on dit au sujet de Lady Ongar ? Alors, vous le savez, ma mère. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais ce ne peut être pire que la vérité. Mais il ne faut pas la blâmer. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est moi. » Puis il lui raconta ce qui s'était passé dans Bolton Street. Peut-être ne dit-il rien de ce faux embrassement, ni de la promesse qu'il avait faite à Julie en la quittant, mais il lui donna à comprendre que son ancien amour s'était réveillé en lui. Ce serait se faire une trop haute idée de Mrs. Clavering que de croire qu'il était insensible aux avantages qui résulteraient pour son fils d'un mariage avec la riche veuve du défunt Lord Ongar. Elle ne méprisait nullement les biens de ce monde, et croyait en outre que son fils, brillamment doué, était plus propre à dépenser de l'argent qu'à en gagner. Ses parents avaient même constaté qu'il n'était pas de nature à exceller jamais dans ses occupations laborieuses où l'argent se gagne. S'il épousait Lady Ongar, ses vulgaires travaux lui seraient épargnés. Mais que deviendrait la pauvre Florence ? Mais cette Clavering comprit que les droits de cette jeune fille devaient passer avant tout. Et plus elle réfléchit à ce sujet, plus elle sentit que l'honneur et le bonheur de Harry exigeaient qu'il restât fidèle à la jeune fille à qui sa main avait été promise. Et en outre, le nom de Lady Ongar n'était-il pas entaché ? Peut-être n'avait-elle pas mérité ces dénigrements, mais même en laissant Florence de côté, il eût été très pénible à Mrs. Clavering de voir son fils s'enrichir en épousant une femme dont la réputation était douteuse aux yeux du monde. Elle vint le trouver le soir du même jour, quand son père et sa sœur eurent quitté la pièce, et s'asseyant à ses côtés, mettant sa main dans la sienne, elle lui adressa ce mot d'un ton plein de tendresse. « Avez-vous dormi, mon cher enfant ?»« Un peu, avant que mon père entrât. »« Mon cher enfant, lui dit-elle, vous serez fidèle à Florence, n'est-ce pas ?» Il eut un moment de silence. « Mon bien-aimé Harry, dites-moi que vous lui serez fidèle quand le moment viendra. »« Je vous le promets, ma mère. »« Mon enfant, mon fils chéri. » je reconnais bien en vous un gentleman. » Harry sentit qu'il ne méritait pas cet éloge. Mais les louanges non méritées, bien qu'elles ressemblent quelquefois à une satire déguisée, ont souvent un heureux effet.